Thank you. T'entends pas, mec. Thank you. Thank you. En fait, c'est moi qui j'étais pas calé, merde, désolé. française. Thank you. Thank you. C'est quoi ça? J'improvise, je sais même pas ce que c'est. C'est bon ça. Never feel overpaid.